pas fait l'INA pour devenir préfet. Moi ce que je veux c'est la plus haute marche du palais. Je veux être président et je veux l'être maintenant et tenir la France dans ma main. J'ai rêvé mon nom sur tout le territoire. Je crèverai ma propre mère pour le pouvoir. J'ai l'État dans le sang et ne suis pas patient, mais vous ne regretterez pas. Alors Française, Français, tu dois voter pour moi. Si tu veux pas que demain ma tête explose d'un trop plein d'ambition. Française, Français, tu dois voter pour moi. Il ne fait aucun doute que je suis l'homme de la situation. J'expliquerai comment marche la mondialisation. J'en sais trop rien moi-même, je cherche la solution. Pour que t'en aies moins peur, que t'y trouves ton bonheur. Mais de toute façon j'y peux rien. Tu pourras marcher dans la rue en toute confiance. Je nous débarrasserai de ceux qui n'ont rien à faire en France. Immigration zéro, le monde sera plus beau. Tu seras à nouveau chez toi. Alors Française, Français, tu dois voter pour moi. Si t'en as marre de voir en bas de chez toi toute l'immigration. Française, Français, tu dois voter pour moi. Si tu veux pas demain te réveiller dans l'islamisation, fais attention. Que l'Élysée n'était pas si grand. Moi j'ai besoin d'espace, oui, oui j'ai besoin de champs. Et pourquoi pas Versailles, ce serait bien pour ma femme. Et puis, il y a les jardins pour mes chiens. Bien sûr tout ça risque de leur coûter très cher. Mais faut savoir tenir son rang, c'est pourquoi j'espère qu'avec du pain et des jeux, ils n'y verront que du feu. De toute façon ils comprennent rien. Et oui, Française, Français, je trimballe à ta casserole. Mais je sais malgré tout que tu n'entends plus les bruits de cuisine. Française, Français, tu aimes les corrompus. Si je peux utiliser ton fric pour mon jardinier, fais-moi signe. Française, Français, ton vote très précieux. T'as rempli ton devoir, sache que la République te félicite. Française, Français, tu votes pour qui tu veux. Mais souviens-toi d'une chose, c'est qu'on a les politiques qu'on mérite. Les politiques qu'on mérite, les politiques qu'on mérite. Les politiques qu'on mérite. La France, la France, tu dois voter pour moi. Si tu veux pas demain te réveiller dans l'islamisation.